dans un verre de vin, le paradis dans un baiser, l'enfer dans le drame d'un pâle octobre, la joie dans une soirée d'été. Il se dérobe comme une étincelle, l'instant précis est si précieux. Elle a fini par me piquer l'abeille au venin délicieux. Sur mon pour alerter le futur, les oreilles rôdées de mes amis. Il a rapport me faire ou me noir au lit, si c'est vrai que c'est une fin, il veut la lettre.